vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Aujourd'hui à Assemblage requis. On enrichit notre bibliothèque avec Marie-Pierre Laforge Bourret. Et on part au carnaval avec Gabriel Degrasse. On a aussi la chronique Geek CNX et beaucoup plus de choses, peut-être, pas tant que ça. À Assemblage requis, ça commence maintenant. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 25 janvier 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François Olivier. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Quel excellent début de matin aujourd'hui. C'est une belle journée. Oh oui, belle journée. On les aime, les journées comme ça. Ah oui, ben c'est le lendemain de journée de carnaval pour bien des gens. Hier, c'était le spectacle musical d'Atomic Baobab et Mustard Valère. T'es allé? Oui. Tu viens de me rappeler. C'est sûr, là. Non, j'y étais, c'était bien. Il n'y avait pas beaucoup de monde, par exemple. Non. Ben, je trouvais, là. Comparativement à Joaquin Bière, là, et puis Guillaume Wagner. Mais Guillaume Wagner, j'étais plus là. Non. Donc, je sais pas, mais à ce qui paraît, c'était quand même très plein, là. Ouais. Ben, tu sais, comme on dit en télé et en radio, tu sais, les codes d'écoute d'une rediffusion, c'est rarement vraiment. Comment élevé? Ouais. Dans le sens que c'est le même spectacle qu'on a vu. Ouais, c'est ça, exactement. La rentrée 2010, c'est bien ça. C'est ça, 2010. Donc, il y avait des gens qui ont peut-être sauté par-dessus. Ben oui. De ça. Bon. Donc, on va parler du carnaval, justement, avec Gabriel Degrasse un petit peu plus tard dans l'émission. Il y a plein de choses qui s'en viennent aujourd'hui, plein d'activités des plus amusantes pour tout le monde. Donc, on va en parler tout à l'heure. Sinon aussi, dans l'émission d'aujourd'hui, on a Marie-Pierre Laforge-Bourret avec sa chronique littéraire. Elle nous parle d'un livre, mais on ne sait pas encore lequel. D'habitude, elle est mardi, mais là, cette semaine, c'est le mercredi, tu sais. Les choses changent, okay. Des fois, une fois de temps en temps. Donc, c'est tout à l'heure, vers les 8 heures. En début d'émission, on va avoir évidemment la chronique Geek CNX. Un paquet de. En fait, il n'y a pas un gros paquet de nouvelles. Là. Non. Un petit paquet de nouvelles. Un petit survol des sites Internet intéressants du moment. Bon. On va commencer avec les Breastfeeders en musique. Voici Manteau de foie, une nouvelle entrée du palmarès francophone. Sur C'est fou, 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Thank you. Ratatat avec la pièce Gettysburg. Et c'est très bon. Ben oui. Hier, quand j'ai vu Mister Valère, ça me faisait penser un peu à Ratatat. Mm-hmm. Donc, j'ai le goût d'en entendre ce matin. Oui. T'as aimé ça, ça part au spectacle bien, spectacle aussi, t'aurais aimé ça. Si. T'aurais aimé ça au spectacle aussi. Ben oui. D'avoir du Ratatat. Tout à fait. Comme spectacle de la rentrée. J'aurais aimé ça. Oui. Bon, donc. T'as aimé ça, toi? Hein, si j'aurais aimé ça. Ouais. Ben oui. Bon. Est-ce qu'on peut dire si j'aurais, si j'avais aimé ça? Mais je peux pas, dire non plus si j'avais aimé ça. Parce que c'est comme un genre de conditionnel. Ouais, non, c'est vrai. Ça fait que rien, tu sais. Hein? Faut que tu twistes ta phrase ou que tu la retournes à l'envers, là. Donc, vous êtes toujours à Assemblage Requis jusqu'à 9h. On a plein de bonnes choses pour vous plus tard dans l'émission, mais on se garde un petit peu de temps pour la musique pendant qu'on a du temps. Ce qui est relativement rare. Donc, on va entendre du Chad Van Gelin. Et on écoute Peace on the Rise. Ça, c'est fou. Dans vos oreilles. Savourez ça. Ne mettez pas votre langue sur la radio. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Pas sûr. Van Gelin. Chad Bergelin et la pièce Peace on the Rise. On imitait du YMCA pour faire C. Ouais, ça ressemble à ça. Est-ce que ça se fait un N avec des bras? Pas vraiment. C'est pas, hein? Ça pourrait être deux, je pense. Mais X, ça se fait, C, ça se fait. Ah, ça, ça a plus l'air d'un loup, je pense, ou d'un lapin. Ouais. Un petit lapin que nous. Ah, c'est bizarre. Donc, toujours assemblage requis. Avant de parler de technologie dans le Chronique Geek CNX, j'avais un petit sujet pour toi, François. Est-ce que tu as entendu parler de la grosse grue qui a défoncé le studio de CIBL? Oui. J'ai vu ça passer hier. Incroyable. Oui, tout à fait. Et les gars étaient en onde. Ben oui, exactement. On va aller écouter l'extrait juste pour pouvoir en parler après. D'influence. Tout à fait. Hier, au micro ouvert, donc j'ai pu assister et voir des jeunes originaires d'un peu partout dans le monde font la promotion avec enthousiasme. Et... Aïe. On a un petit accident ici. Un petit accident avec... En direct. En direct au 222 coin Saint-Laurent et Sainte-Catherine. On va repartir en musique et désolé, oui. Abdou, on va y revenir. Plus tard. Les oranges pressées. Toujours sur les ondes de CIBL 105 Montréal. Nous sommes désolés de ce petit contretemps. Imaginez, il y a une grue juste, en fait, qui était stationnée juste en avant du 222 de notre studio principal sur la rue Saint-Laurent, qui a défoncé la vitre de notre studio principal. Alors, on s'est retrouvé, on avait une entrée VIP sur la rue Saint-Laurent. On pouvait accéder directement au Café Cléopâtre et... Écoutez, ça nous a pris un peu par surprise, hein? Surtout que, personnellement, j'étais de dos et même les co-animateurs qui se trouvaient de face à la vitre, disons que ça s'est arrivé assez rapidement, que malheureusement, on n'a pas eu le temps de prévoir ce qui allait arriver. Martin, d'ailleurs, arrive à l'instant du studio principal et je crois que tu vas tweeter une petite photo de l'événement. Ah, mais ça se doit... Oui. Mais bon, c'est presque ramassé en bas, là, les ouvriers qui s'affairent à ramasser le verre brisé. On espère évidemment que ce ne sera pas trop long avant qu'on puisse réintégrer notre cher Studio A. Donc, alors, on se retrouve au deuxième étage du 222 où on a d'autres studios de diffusion, heureusement. Et Abdou, je vais te laisser peut-être. On a beaucoup de budget aussi à GBL de studios de diffusion. Non, c'est la grue qui a essayé de pivoter comme ça, son devant de grue. Et puis, il a foncé dans la vitre. Ça fait un beau petit moment. Ça fait une belle terrasse aussi, comme il disait. Oui. Prendre un petit peu de soleil l'hiver comme ça, ça fait bien. C'est ça. En tout cas, CIBL, Radio Communautaire de Montréal, que vous pouvez aller voir sur CIBL 1015, 115.com. Il y a une photo là-dessus de ce qui s'est passé en page couverture du site. Ah oui, il y a une photo. Ouais. Ça ne nous arrivera pas ici, je ne pensais pas. Non. Peut-être un camion de coke au pire, ça pourrait être pas mal le pire qu'il pourrait y avoir. C'est ça qui passe par ici environ. Vous êtes toujours à Assemblage requis, 7h19 minutes environ, et on transitionne facilement, comme toujours, à notre merveilleuse et don informative, mettons comme ça. Chronique CNX. Dash.com. Bulletin geek de ce mercredi 25 janvier 2012. C'est des nouvelles depuis hier matin, bien évidemment. On commence avec le fondateur de WikiLeaks qui va animer une émission de télévision. Oh! Oui, Julian Assange va interviewer des personnalités politiques importantes, des penseurs et des révolutionnaires dans une nouvelle série de 10 émissions prévues pour la mi-mars 2012. On sait bientôt. C'est ce que nous apprend un communiqué de presse publié sur le site de WikiLeaks lundi soir. Assange et ses invités discuteront du monde de demain dans un contexte décrit comme un moment charnière où surgit le besoin de repenser radicalement le monde autour de nous. On fait mention des révolutions arabes, de la détérioration des institutions et idéologies occidentales et du pouvoir menacé d'Internet. Aucun nom n'a encore été avancé, mais on peut s'attendre à y voir des gens controversés ou aux idées marginales. Le talent d'intervieweur de Julian Assange est aussi un grand mystère. On n'a jamais vu faire autre chose. En tout cas, jamais. C'est vrai? On l'a vu en entrevue, mais pas en train de faire des entrevues. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Les ententes de diffusion des 10 épisodes de 30 minutes rejoindraient 600 millions de téléspectateurs, mais aucun diffuseur n'a été précisé. Si on parle de 600 millions de téléspectateurs, on s'attend que ça doit être sur une chaîne assez populaire quand même. Hein? Pas une petite chaîne câblée bidon. Hein? Le communiqué décrit Assange comme un pionnier d'un monde plus juste et victime de répression politique. Un grand jury fédéral américain tente de l'inculper dans le dossier de la divulgation de documents confidentiels sur WikiLeaks depuis plus de 500 jours. Assange est présentement assigné à résidence à Londres. Il attend son procès en appel concernant son extradition en Suède, où des accusations de viol et d'agression sexuelle pèsent contre lui. L'audience devant la Cour suprême britannique est prévue pour le 1er février. Parlons d'Apple un petit peu. Une pièce secrète réservée aux emballages. OK. Aux emballages. Si vous avez déjà acheté un produit à Apple ces dernières années, vous avez sûrement été surpris par l'originalité de l'emballage, nous dit l'article de branchezvous.com. Et bien, c'est maintenant devenu une habitude chez la firme de Cupertino. Quand on achète un nouveau produit de la pomme, on a bien sûr hâte de voir l'appareil lui-même, mais aussi comment il a été emballé. Je pense que les vidéos sur YouTube de déballage de produits à Apple sont parmi les plus populaires.

Ne reviens pas de Salomé Leclerc dans Assemblage Rocky. Pour François. Merci. De quoi? C'est fini comme ça. En train de fouetter Salomé Leclerc? Ouais, non. Hey. Voyons donc, je ferais pas ça. T'es un homme de classe, t'es un homme galant. T'ouvres des portes, des fois. J'ouvre des portes. Pour des filles. De temps en temps, pour des gars aussi. Ouais, ben moi aussi, là. À un moment donné, l'égalité des sexes. Ben, tu sais. On est en 2012. Question de politesse, ben ouais, c'est ça. Ouvre un peu ton esprit, là. Ben, c'est ça. Tout à l'heure, on va voir Marie-Pierre Laforge-Bourret, sa chronique Les Terrasses, s'en vient vers les 8h. Mais avant ça, on a encore un petit peu de temps pour de la musique. J'aime ça, on en profite. Hein. D'habitude, on met une pièce par demi-heure. Donc, à un moment donné... Non, ça fait changement. On va écouter une pièce de OK Go. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu sur l'album The Blue Color of the Sky. Mais par contre, on va sur le deuxième CD exclusivement disponible sur la collection Extra Nice Edition. On s'en va entendre la pièce This Too Shall Pass, version Passion Pit Sunday Hangover Remix par Passion Pit, là. Ça, c'est fou. Wow! Hein? C'est bon. OK, go, This Too Shall Pass, version par Passion Pit. C'est le Sunday Hangover Remix. Avant de passer à une prochaine pièce dans le même genre d'ambiance, okay. Là, j'ai envie, moi, de savoir, je me pose la question, là, comme ça, à l'improviste, mais qu'est-ce qui se passe au carnaval aujourd'hui? Oh! Voici la programmation du carnaval étudiant pour ce mercredi 25 janvier. Dès 10h, d'un univers à l'autre, à 12h30, pousse ton bolide de course. À 14h30, tournoi de volleyball des Patriotes. À 14h30, défi S3. À 17h, snack bar chez Charlie. À 19h, happening des Patriotes. À 22h30, tournoi de beer pong. Et à minuit, rallye nocturne. Pour en connaître davantage sur la programmation et les lieux d'activité, veuillez synthoniser C'est fou durant les émissions quotidiennes. De plus, vous pouvez consulter le cahier des participants au www.carnaval2012.sitew.com. Et la bonne nouvelle, c'est que vous écoutez déjà les émissions quotidiennes, donc bravo à vous, c'est réussi. Un coup de drive's up, voici The Girl and the Robot, assemblage requis sur C'est fou. I go mental every time you leave for work. Pièce native, Blink. Blink! Blink ce matin. Ça clignote dans ma tête. Ça clignote dans ta tête. Bon, OK. C'est fun. Hein? Ouais. Donc, fin de la première heure d'Assemblage requis en ce mercredi 25 janvier. On se retrouve tantôt avec Marie-Pierre Laforge-Bourret qui va nous présenter un autre de ses livres qu'elle a lu. Est-ce qu'on sait lequel? Non. Non? Pas encore, toujours surprenant. C'est ça qui est le fun avec cette émission-là. On sait jamais vraiment ce qui s'en vient. Bon, on l'annonce, ça finit par arriver, tu sais. C'est comme quand tu dis cette fois le nom de quelqu'un dans le miroir, c'est quoi l'affaire? Tu dis. Je me souviens pas d'eux. Bonhomme 7 heures, frère. Bonhomme 7 heures, faut se cacher. Jean Charest, non? Il va t'arriver malheur. Ouais, oh! À toi, Mathieu Plante. Hey, Colin, c'est précis. Ouais. On a aussi Gabriel Degrasse qui vient nous parler du carnaval étudiant UQTR 2012. Oui, vers les 8h20 environ. 8h30. On verra, c'est ça. Pour l'instant, on écoute l'Info Campus, restez là. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89-1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. François, si je te dis de revenir pour présenter la deuxième heure, est-ce que tu vas rire de moi? Ou est-ce que tu vas juste la présenter, mettons? Si mettons, je te dis, présente la deuxième heure. Ah. Non, je vais rire de toi. Tu vas rire de moi? Ouais. OK, on l'essaie quand même. Okay. Mathieu Plante. Bon. Petit coquin. J'essaye à chaque fois. Petit coquin. Hey, Mathieu. Oui. Comment de retour à Assemblage requis en passant. Si? Oui. Hein? On est où? On est où, Assemblage requis? Ouais. C'est fou? 89 FM? Ah, me semblait aussi. Ou de retour au C'est fou. J'entends souvent ça. Au C'est fou? Ou, ouais. Au C'est fou? Ouais. J'entends pas ça. De retour à 89 FM, j'entends ça souvent. De retour à 89 FM. C'est bizarre. Ouais. Drôle de façon de dire les choses, mais quand même. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire. C'est de même. C'est ça. C'est de même. Hey, aujourd'hui, la journée carrière. Oui, c'est vrai. À l'UQTR, qui se déroule ici même au CAPS. Mm-hmm. Ça se déroule de 10h à 16h. Et puis, on peut. En fait, on peut aller visiter. Convoiter, peut-être. Oui, convoiter, oui. 85 entreprises et organismes qui vont être regroupés ici même au CAPS, qui ont besoin de main-d'œuvre. Évidemment, en fait, ça s'adresse aux étudiants, ouais, aux diplômés, mais aussi à la population. Donc, tout le monde peut aller faire son tour. Il y a un iPad 2 à gagner. Tout à fait vrai. Sauf pour les étudiants, c'est par seulement pour les étudiants. Exactement. Mais sinon, le reste, amener votre sourire, là, c'est les étudiants ou pas étudiants. Tout le monde peut amener son sourire. Ben oui. C'est ben gratuit, là. Tout le monde se donne des sourires. C'est... Tout à fait. Et d'ailleurs, il va y avoir des conseillers experts en recherche d'emploi qui seront sur place et qui vont offrir leur service gratuitement. Donc, évidemment, on amène son CV. parce que ça se peut qu'il y ait des entrevues là, qui se déroulent aujourd'hui. C'est des contacts que vous allez vous faire. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Et puis, il y a la journée porte ouverte aussi, ici à l'UQTR. Le samedi 28 janvier, donc ça se déroule samedi, de 11h à 16h. Donc, pour les gens qui veulent peut-être s'inscrire, ne savent pas, veulent visiter, voir un peu les programmes qui sont offerts, c'est la place. Voilà. Merci, François. Ça fait plaisir, Mathieu. Avant d'accueillir Marie-Pierre Laforge-Bourin, sa chronique littéraire, voici On a créé un monstre. Et 5.0. Le volume de la radio trop fort? Ben, baisse-le quand même, t'sais. Un petit peu, là. Il va vous en parler dans la chanson. Je mets tout de côté pour tempérer. 5.0 d'en a créé un monstre sur l'album L'Iceberg à Assemblage Requis sur C'est Fou. Hein? 89.1 FM. À 89.1 FM. À 80, de retour à 89.1 FM. C'est ça. C'est ça. J'ai bien appris ma leçon. C'est ça. Une leçon en originalité de comment présenter une station de radio. C'est ça. Donc, plus tard dans l'émission, on le dit, une fois de temps en temps, comme ça, on va parler de livres. Mais là, pour l'instant, on n'a rien à dire. T'as-tu quelque chose à dire? Sur les livres, non. J'ai rien à dire. Non. Toi? Non. Non plus? Non, je te dirais que... OK, ça va bien. Je lis pas assez. Non? Je trouve ça dommage. J'ai des livres. T'sais, j'achète des livres, des fois, pour vrai, sur Internet. OK. Je les lis pas. Non? Non. Trop paresseux. Mais je pense que t'es c'est. T'achètes, mais t'es lis pas? Ben, c'est ça. C'est le problème de bien des gens, je pense. On a une volonté, on veut essayer de lire. Prends un le peu. Temps. Je sais, mais prendre le temps quand t'as tellement de sources de divertissement dans la vie. C'est sûr. C'est ça l'affaire. Trop d'affaires à faire. On arrive en congé l'été, tu sais. Nous, évidemment, mois de mai à août, là, genre, on travaille pas. On fait pitié un petit peu. Mais c'est ça. Tu sais, t'as trop d'avalanches de divertissement tellement que, tu sais, le reste de l'année, tu fais. T'as pas le temps de te divertir. Donc l'été, tu te mets sur les jeux vidéo, sur Internet, sur les sports peut-être pour toi. Ouais. Moi, les jeux vidéo, c'est plus l'hiver. Pour vrai? Que ça se passe. Pendant les fêtes, mettons? Ouais. Mm. Oh, non, tout à fait. Moi, je te dirais que c'est rare que je joue, moi, même en général, même pendant les fêtes. L'été, moi, c'est rare que je joue. J'achète des jeux, des consoles, j'en ai plein. Je joue pas avec. C'est le fun, ça. Ben oui, quand même. Donc, tranche de vie, hein, sûrement qu'on rejoint notre public comme ça en disant les choses que vous vivez vous aussi. C'est ça, c'est comme la radio-réalité, cette affaire-là. Hein? Faudrait éliminer quelqu'un un jour. Ouais. Pour l'instant, on va écouter Mono Grenade avec De toute façon. Tu sais, pourquoi pas. De toute façon. Change rien. De toute façon. Ben, c'est ça. Whatever. Whatever, loser! Oh! We'll be right back. que ce zombie vomit sur moi. Il ne saura jamais que tu m'aimes. Il ne saura jamais que tu m'aimes. Et que ce vomi me zombissera. Il ne saura jamais que tu m'aimes. Il ne saura. La pièce Zombies de Bravo Funken. Oh, les zombies. Les cerveaux. Je ressemble à ça aujourd'hui. Je le confirme. Oui, pour vrai. Ah. Quand t'es fine, t'es fine. Hey, bonjour. Une chance que le contenu de qualité est arrivé, j'allais dire. Évidemment, je vais retenir mes commentaires positifs sur toi. C'est là, puis tu nous pines. Non, juste François-Olivier, ouais. je t'ai pas piné. Ah, c'est apprécié. Bon. Voilà. C'est la chronique littéraire de Marie-Pierre. Ah, plus de clochettes. C'est le fun, hein? Ben oui, avant, j'avais les petites clochettes de... Ça faisait fake clochettes, là. Ouais, ouais. Puis là, j'en ai plus. Moi, j'ai trouvé sympathique les clochettes, par contre. Je trouvais ça bien. Ah, mais il y avait juste toi qui les trouvais sympathiques. Bon. Laisse donc faire, bon. Donc, aujourd'hui, de quel livre tu nous parles, ma carte? En fait, aujourd'hui, je ne vous parle pas vraiment d'un livre. Bon. Il y a deux... J'ai dit ça depuis le début de l'émission, pendant une heure et demie. Ah! Mais bon, si vous vous rappelez, il y a deux semaines, j'avais parlé du livre Madame Bovary, oui. Qui s'était fait faire un procès pour outrage à la morale et aux mœurs. Ouais. Parce que bon, il y avait son héroïne, était une jeune femme qui rêvait au prêt charmant et qui, ça la dérangeait pas d'avoir des pensées avec un autre homme alors qu'elle était mariée. Et bon, ça avait pas été... L'auteur laissait son héroïne avoir ces pensées-là sans la punir, on va dire. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y avait eu un procès. Alors, j'ai choisi de vous parler de la censure en général. Parce que bien que Madame Bovary n'ait pas été censurée, ça arrive très souvent que... Ben, mais plus ça, aujourd'hui, ça... mais ouais, avant ça. Que les œuvres étaient censurées. Ça datait quand même de longtemps, là. Oui, c'était en France, mon Dieu, c'était dans les années 1800. OK. Donc, en France, puis à cette époque-là, oui, ça arrivait qu'il y avait des œuvres censurées. Si je ne me trompe pas, Baudelaire, il y avait certains de ses poèmes qu'il avait fallu qu'il coupe de son livre Les Fleurs du Mal parce que ça ne passait pas. OK. Donc, il y avait des institutions mises en place pour que certains types d'écrits ne se retrouvent pas devant les yeux du public, que le public n'y ait pas accès. Mais particulièrement, je vais vous parler de la censure au Québec depuis les origines. En fait, depuis les origines de la littérature, depuis que la littérature, qu'elle soit française, a été importée ici. Donc, avant tout, je vais vous donner une petite définition de ce que c'est la censure, là, pour qu'on mette bien les choses au clair. C'est une interdiction partielle ou complète d'œuvres d'art ou de littérature dont les dispositions idéologiques, théologiques ou morales sont considérées comme subversives par les pouvoirs en place. Donc, il peut s'agir d'enlever des passages d'un livre. Il y avait aussi l'index qui était mis en place. Donc, ça, c'est une liste de livres que l'Église interdit sous peine de sanction, là. Et il y a l'autocensure qui est possible. Donc, quand un auteur sait que ça passera pas, couper des passages. Une publication qui est clandestine, donc changer son nom ou essayer de le faire passer autrement. Puis, il y a une distribution parallèle, par exemple, dans les petites... une petite chambre derrière les librairies ou quelque chose comme ça, que les livres méchants s'échangent, là, c'est un petit peu secret. Trafic. Ouais, un peu. Ouais. Et au Québec, à partir de 16-25, de 16-25 jusqu'à 18-40, je vais vous faire un petit aperçu de ce qui se passait à ce niveau-là. La première œuvre, une des premières œuvres à avoir été censurée, c'est Tartuffe de Molière. Cette œuvre-là, bon, c'est une pièce de théâtre qui parle d'un prêtre qui n'a pas la foi. Et ça, c'était bizarre. Pas bien. Non, oui. Ça doit pas. Et bon, l'Église au Québec a interdit cette œuvre-là parce que ça faisait mal paraître les prêtres. Donc, c'est une des premières œuvres qui a été censurée, puis ça donne bien le ton pour ce qui suit. Les prêtres se sont dit, on est déjà capables nous-mêmes de se faire une mauvaise image, donc laissez faire les... Laissez faire Tartuffe. C'est ça. Merci Molière, on n'a pas besoin de toi. Et à cette époque-là, c'était surtout le théâtre qui était dangereux, donc ils considéraient comme ça dangereux. Le monde ne devait pas y aller. C'était interdit même aux prêtres de donner l'absolution aux fidèles qui lisent des romans immoraux. Oh. Donc, les romans immoraux et le théâtre immoraux, on peut peut-être penser à, j'imagine, le Marquis de Sade ou des livres comme ça. Donc, c'est des livres que qui se passent des trucs dedans que on serait pas supposé lire. Les livres immoraux, puis les sitcoms de Sylvie Moreau. Faut à cette époque-là, oui, je confirme, ouais. La télé existait en 1825. J'espère. aussi, c'était interdit aux catholiques de fréquenter le théâtre et ils décrivaient le théâtre comme un lieu de scandale où règne Satan avec un empire absolu et qui est vraiment le vestibule de l'enfer. Ouh, hein? Oui. Et bon, c'est ça, c'est à la même époque que les Mousquetaires, le livre des Mousquetaires d'Alexandre Dumas, il a été censuré pour être publié dans les journaux. Donc, c'était pas la version originale. Ils ont coupé des passages, ils ont remanié certaines petites choses pour... Il y avait juste deux Mousquetaires dans celle-là. Non, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait exactement, mais ils ont fait une censure pour pouvoir le publier dans ce journal. Également, à l'époque, c'était surtout les journaux, dès qu'ils parlaient de dès qu'ils publiaient quelque chose qui était un petit peu contre ce qui était dit à l'époque, ce qui était pensé, ce que l'Église voulait qu'il soit transmis, dès que c'était un petit peu contre ça, ça arrivait qu'il était « vous devez arrêter de publier » ou « vous devez cesser de parler de certaines choses ». Et au moment où le cinéma est arrivé, parce que je vais faire un petit penchant cinéma, en 1899, il y a eu interdiction des représentations de cinéma le dimanche. Donc, le jour saint, c'était interdit d'aller au cinéma. Ouais. Mm-hmm. Et oui. Et autour de 1900, bon, du côté littérature, il y a en 1937 des genres de petites fiches. C'est la maison d'édition, la maison d'édition aujourd'hui, mais l'éditeur Fides qui existe encore, qui avait créé des fiches. C'était des cotes morales aux œuvres. Donc, par exemple, Mathieu t'écrit une œuvre et eux, ils la cotaient. Donc, ils pouvaient coter, j'imagine, très mauvais. Donc, très mauvais pour les lecteurs, passable. Moyen. Donc, il y avait des cotes morales comme ça. Et il y a une certaine revue qui s'appelait Lecture qui faisait un petit peu les mêmes choses. Donc, c'était encore des cotes morales. Donc, tu passais, le lecteur, s'il voulait savoir ce qui était permis ou ce qui n'était pas permis, il pouvait passer par ça pour savoir ce qu'il pouvait lire. Wow, hein? Oui. Donc, c'était comme ça à l'époque. Puis, du côté du cinéma, il y avait beaucoup de films, par exemple, américains ou... qui était censuré. Donc, certaines scènes étaient censurées. Ils coupaient des passages du film. Ni vu ni connu, le public québécois n'y avait pas accès. Ou il y avait des films qui étaient tout simplement censurés et le public a eu accès à ces films-là à peu près 30 ans plus tard. Beaucoup, donc, ouais, c'est ça, beaucoup plus tard. Il y en avait quelques-uns que c'était beaucoup, beaucoup plus tard. On parle de quoi, mettons? As-tu des titres? Oui, j'ai pas nécessairement de titre, mais je sais qu'en 1955, les films de Marilyn Monroe, tous ces films, ils perdaient des images. Ah ouais. Donc, j'imagine... Bizarre, dans le transport. Dans le transport, ils perdaient des images. Ça coûte sec à ce moment-là. Ouais. Mais on peut s'imaginer quel type d'image c'était à l'époque. Marilyn Monroe, on s'entend une femme plantureuse. Donc, peut-être que c'était ces passages-là qui étaient peut-être coupés. Et... en 1948, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du refus global. C'était un manifeste contre ce qui se passait dans la société au Québec. Et au moment où ça s'est sorti, donc il y a eu un type de censure, pas nécessairement le manifeste qui a été censuré, mais un de ses auteurs a été renvoyé de son école du meuble. Donc, il considérait... L'école du meuble. Oui, il étudiait à une école de meubles, c'est ce qui était écrit dans le livre. C'est parfait, mais de se faire sacrer dehors de ça... Parce que tu as participé au refus global. Ça n'a pas de lien, vraiment. Ouais. Oui, ben c'était une forme de... Punition. De punition, oui. Ouais. Et bon, tantôt, je vous disais, Marilyn Monroe, ses films perdaient des images, mais Psycho de Hitchcock, donc ça a été la version doublée au Québec, la version qu'on a pu avoir accès à l'époque, en 60, était censurée. Donc, c'était pas... c'est les mêmes images, mais le texte est différent pour... Ah, ça, il le disait pas. Okay. Mais soit que c'est le texte qui était différent de la version originale, ou soit, encore une fois, qu'ils peuvent avoir coupé des images. Donc, il y avait plein de moyens de changer les films. T'sais. Il avait pris des Québécois déguisés en chacun des personnages, puis il avait fait refaire les scènes. Je doute. Pas. Et bon, en 1965 à 1967, la censure a pas mal cessé au Québec. Donc, les fiches de lecture de la revue Lecture qui disaient mauvais, bon, passable, vous pouvez le regarder, vous ne pouvez pas, ça a cessé. Puis, ça a été la fin de l'index. Donc, il y avait des livres qui étaient interdits par l'Église catholique. Et cette liste-là a terminé aux alentours de 1966. Puis, même au cinéma, c'est la même chose. Il y avait des fiches de code morale, encore une fois, pour tous à proscrire. Et c'est à la même époque, en 67, que ça a cessé. Donc, on voit que dans les années 65-67, ça s'en vient mieux. Oui, ça n'a pas arrêté complètement. Ça existe encore, la censure, mais il y en a beaucoup moins qu'avant. C'est beaucoup plus facile de trouver les choses... D'une façon ou d'une autre, mettons. Oui, mais reste que les fiches sont plus là. Non, mais il arrive des cas assez... Bon, Denis Arcand, il a été censuré à plusieurs reprises. Ça, je ne le savais pas. Il a été censuré pour plusieurs œuvres. Il avait fait une série sur Duplessis. Ça aussi, il y a eu des plaintes. Pas ben, sans que ça n'ait pas nécessairement passé, mais il y a eu beaucoup de plaintes ou des trucs comme ça. Donc, même si les fiches puis les codes de moraux sont plus là, les auteurs ou les... Voyons, les réalisateurs ont parfois encore de la difficulté à faire passer certaines de leurs œuvres. Des fois, ils vont avoir de la difficulté à faire distribuer par les... Oui. Mais en même temps, tu sais, quand il y a une maison d'édition qui choisit quelles œuvres publier puis quelles œuvres ne pas publier puis qui propose des changements à apporter à un auteur, ça peut être... On peut peut-être considérer ça comme une petite sorte de censure. Ça dépend comment c'est tourné. Donc, si, par exemple, une maison d'édition, tu vas porter ton manuscrit puis ils disent « Ouh, ce passage-là, tu devrais l'enlever. » Donc, il y a de la censure des fois qui ne doit pas paraître à cette époque-là. Ouais. Mais de l'autre côté, de nos jours, ce serait ridicule de penser que tout va être publié. T'sais, tu ne peux pas forcer une maison d'édition à publier quelque chose. Donc, il faut faire un choix. Fait que moi, je considère pas vraiment ça comme de la censure. Non, de pas choisir de publier. Non, mais de proposer d'enlever des passages. Ouais, à l'époque, c'était peut-être pas une forme de censure, mais une forme d'autocensure pour éviter que ça passe pas. Ouais. Et une des dernières œuvres littéraires à avoir été censurée au Québec, c'est Les Fées ont soif. Une pièce de théâtre qui parle de trois femmes. C'est la putain, la vierge et la mère de famille. Puis c'est une pièce de théâtre, puis à l'époque, c'était assez. Ça avait fait scandale. Je crois qu'il y avait eu un procès, puis ça avait été long. Puis il avait réussi à monter la pièce finalement, mais c'est une des dernières œuvres qui a eu des problèmes ici au Québec. Donc, Les Fées ont soif. Il y a eu procès? Mon Dieu, est-ce qu'il y a eu procès? Je saurais pas dire exactement, mais ils ont vraiment eu des problèmes avant Ouais, ça, c'est en 1978. Okay. Puis après ça, ça fait pas si longtemps que ça. Non, ça fait pas si longtemps que ça. Puis à la suite de ce cas-là, c'est plutôt des cas isolés, par exemple, des livres que des écoles refusent ou que les... Je sais que dans... Il y a des parents qui ne voulaient pas que telles œuvres soient lues par leurs enfants ou des petits cas comme ça. C'est surtout à l'école qui ont des problèmes. Puis ça ressemble pas mal à ça. Après 1978, après les années 60, c'est plutôt des cas isolés que des plutôt général. Et plutôt du côté français, moi, il y a un siècle que j'apprécie particulièrement au niveau de la censure, c'est le 17-18e siècle. Parce que, bon, c'est le siècle de Molière qui proposait des pièces de théâtre. Bon, comme tantôt, Tartuffe, ça rit des prêtres qui n'ont pas nécessairement la foi. Mm-hmm. Et ça pourrait très mal passer. Mais au lieu de faire passer le message directement, Molière est plutôt du genre à dorer la pilule. Il passe par le rire pour passer son message et ça passe très bien. Donc, il y a des auteurs qui font ça plutôt dans ce type-là. Sinon, il y a Montesquieu et aussi Voltaire dans Zadig que j'ai parlé avant Noël. Les auteurs prennent des personnages qui sont étrangers. Donc, faire passer la critique de la société française à travers le regard d'un étranger. Et ça, c'était un moyen employé aussi pour ne pas se faire dire « Non, on veut pas que tu publies ça parce que tu parles en mal de la société française. » En passant par un regard étranger, ça évitait mieux. Ça. Oui, ça passait mieux. Et aussi, un des métriques préférés, c'est Diderot. À l'époque, il y avait une encyclopédie qui s'écrivait. Parce que, bon, il y avait eu des informations qui se ramassaient au siècle des Lumières, plein de nouvelles connaissances qui arrivaient. Et c'était pas rassemblé, tout ça. Donc, Diderot et une équipe ont voulu rassembler ça, l'encyclopédie. Donc, au final, au bout de 20 ans d'écriture, ça a donné 17 volumes de textes, 11 volumes de dessins et d'illustrations. Donc, pour rassembler les connaissances. Et à travers ça, Diderot, il voulait faire, Diderot et plusieurs autres, ont voulu faire une petite critique de la société. Mais au lieu de le dire directement, par exemple, par exemple, tu vas dans l'encyclopédie, tu vas à la notice de Église, au lieu de critiquer là ce que eux avaient à dire de l'Église, ils faisaient un renvoi. Donc, les lecteurs devaient trouver des genres d'indices. Puis, par exemple, pour parler de l'Église, ça pouvait être au mot un truc de botanique. Donc, rendu à la botanique, où ils voyaient... mais c'est ça, c'était comme des indices, j'imagine, dans le petit texte, dans la définition d'Église, faisaient un renvoi. Donc, les auteurs, ils faisaient de la critique dans des notices qui étaient... que le monde n'allait pas voir, des trucs comme ça. Donc, c'était les renvois qui servaient à critiquer à travers l'encyclopédie. J'aime ça. Donc, moi, c'est le moyen que je trouve. Je trouve ça vraiment intelligent. Fait que, non, c'est ça, c'est à peu près le tour pour la censure de ce que j'ai choisi de vous parler. Donc, on voit aujourd'hui, finalement, on n'est pas tant... on est assez libre, les auteurs sont assez libres d'écrire ce qu'ils veulent, puis on s'entend dans les films, c'est à peu près la même chose. Ouais. Il arrive encore qu'il y a des choses qui passent pas, puis je crois que c'est normal, mais en même temps, on voit que... Bon, on est moins tenu en cage, ou je sais pas trop. Ça dépend des réalisateurs aussi. Il y a des réalisateurs qui vont se battre pour avoir une cote, parce qu'ils veulent avoir une cote plus élevée, parce qu'ils veulent pouvoir conserver leur film comme ils voulaient le faire, alors que d'autres qui vont dire, bon, ben, tu sais, ça me dérange pas, descends-moi à un 13+, puis je vais couper dans les sacs, puis la violence, le sang, des trucs comme ça, ils vont couper là-dedans volontairement. Pour faire plus d'argent sur le film en ayant une meilleure cote, parce que plus ta cote est basse, plus tu vas avoir des gens qui vont se pointer au film. Hein? Alors, même chose pour les livres, j'imagine. Ouais, comme si les livres faisaient faire de l'argent à leurs auteurs. Ouais, c'est un autre sujet, là, mais bon. Hein? Il y en a quelques-uns au Québec qui en vivent, mais c'est pas, il y en a pas beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est pas tout des Seigneurs des Anneaux et des Harry Potter, mettons. Non. C'est les seuls qui doivent ça bien se vendre, j'imagine. Bien, sans avoir à trop se forcer. Bon, au Québec, Patrick Sénécal, je dirais qu'il fait son bout de chemin, là. Ouais. Je sais pas comment je connais la littérature. Mais Patrick Sénécal, c'est celui qui a écrit Le Seuil. Il écrit un livre, c'est Alice, A-L-I-S-S. Okay. C'est l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, mais à Montréal, dans un quartier trash. Cool. Ouais. Non, je suis sûre, ça, c'est un livre qui est habituellement apprécié, puis je peux comprendre pourquoi. C'est un peu horreur, puis en même temps, pas suspense, mais il y a tout un côté glauque, puis c'est bien Patrick Sénécal. Tu nous en parleras. Non? Suggestion? Non? Ah, on verra. Le matin, c'est ça, c'est un petit peu... On mettra des petites notices, comme tu disais, dans un encadré parlant de botanique sur le fait de ne pas écouter ta chronique si vous avez le cœur sensible. Je vais le publier sur le Facebook de François-Olivier. Ah oui, ben oui. J'enverrai un lien François-Olivier, puis vous irez voir dessus. Voir François-Olivier pour la critique. Ouais. Non. Merci Marie-Pierre, on te retrouve merci beaucoup, oui. À un tout autre jour, c'est les mardis. Oui. À 8h30, aux deux semaines. Donc, pas le prochain, mais l'autre. Exactement. L'autre. C'est clair, tout ça? Voilà. C'est clair, tout ça. Vous êtes toujours Assemblage Rocky. Nous, tantôt, on va parler avec Gabriel Degrasse, qui s'en vient pour parler du Carnaval étudiant 2012 et les activités de ce Mercredi, 25 Genevire. Hein? Oui. Mais pour l'instant, on écoute en musique une pièce de Sonny Pompey. Hein? Ça va être bon. Sur l'album Breakfast of Champignons. Voici The Death of Death. Ah, Breakfast of Champignons. J'aimerais tout ça pouvoir déjeuner avec des champignons. Oh. Miam. T'en as un sur ton chandail, d'ailleurs. Ouais. Hey, je vois un Zwicky à travers la porte. Hey, un Zwicky! Hey. On va y parler tantôt, je pense. Over Au retour, on parle du carnaval étudiant. Pierre 2012, on va se taper de la neige. Je pense que j'ai entendu parler de tapage de neige. Je connais pas ça. Je connais rien. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis. Vigilance auditive nécessaire. Plan inclus. Toujours Assemblage requis avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. La discussion est arrêtée juste une demi-seconde avant qu'on ouvre les micros. Enfin, on parlait d'allergie alimentaire. Ouais. Orgie alimentaire. Allergie. Non, ouais. Absolument. C'est mon sport préféré d'ailleurs. On se badigeonne de beurre de pinot et c'est de toute beauté. Les voix que vous entendez là, ce sont celles de Gabriel Degrasse. C'était le tout sautement. C'était Gabriel Degrasse. Bon matin. Bon matin. Prochain tout sautement. On cesse les buzzers de tout sautement. Alexandre Ramizwicki. C'est ça quand tu fumes des gitanes. C'est quoi? C'est ça quand tu fumes des gitanes. Écoute, ça récule, ça récule. Non, pas des gitanes. Pas les personnes. Non, c'est ça. Des cheveux de gitanes, c'est de toute beauté pour se mettre de bon pied le matin. Vive le carnaval. Oh yeah! Party, party! Oui, madame, oui, monsieur. Donc, Alexandre et Gabriel, carnaval aujourd'hui, mercredi, plein d'activités. À ce qui paraît, c'est la journée la plus dos à dos, bac à bac, rempli. Oui. OK, yes. On est prêt. L'avant-dernière journée? Effectivement, oui. On a fait la moitié. Ça va bien? Vous êtes encore en vie? On est encore en vie. On a de l'air encore. Pimpant. On mange des fruits ce matin, d'ailleurs. C'est quelle sorte de fruits? Gabriel n'arrête pas de... C'est des ananas? C'est des petits ananas comme ça. Il y a de tout là-dedans. Il y a peut-être des morceaux aussi. Pas de kiwi. Pour un gars qui est animé à la radio, tu sais pas comment parler dans le micro, mais bon, c'est pas grave. Non, je m'excuse. Je regarde à droite, à gauche. Des fois, je parle dans mes mentons. Ça sonne drôle. Ça sonne écho un peu. Mais des petits fruits pour être pimpant ce matin, parce que oui, des activités, il y en a en s'il vous plaît aujourd'hui. Ouais. Est-ce que vous connaissez, juste comme ça, est-ce que vous connaissez « Pousse ton bolide de course » Ça m'intrigue comme titre, en tout cas. Là. C'est ça. Le donc, PTBDC, là, évidemment. Exactement. Contrairement à la croyance populaire qu'on expliquait tout à l'heure, c'est pas de pousser une tercelle en bas de la côte de neige, ah, non. C'est comme des petites boîtes à savon, puis les équipes vont lancer leur boîte, en, wow. leur boîte à savon. Conducteur, ça prend un conducteur. Absolument. Conducteur désigné. Ouais. Désigné. On a des tests d'alcool aussi. Il y a une petite machine avec des pailles qui ne sert jamais pour personne en avant du studio. Ça sert à pousser ton bolide de course, voilà. En fait. Alors, on l'a débranché de manière scientifique. Et ça va être de toute beauté ce matin pour commencer. OK, mais ça, c'est à quelle heure, justement? Ben là, évidemment, il y a Café Bélaise de 8h à 10h. Oui. Ouais, donc, dans le fond, si on y va en ordre pour aujourd'hui, Café Bélaise qui est là actuellement. Ensuite, à 9h30. À 10h, on va voir d'un univers à l'autre. Un jour, on va réussir à de l'air marqueur. Gabriel, d'un univers à l'autre. Alors, c'est un paquet d'activités qui vont se dérouler simultanément. Et c'est des petites activités, des petites courses à relais. Il va y avoir autant des petits jeux physiques que des... Ici dans l'air des patriotes, pour ceux qui étaient là l'an dernier, c'est le même titre que le rallye bottine de l'an dernier. On a juste changé le nom. Dans le fond, c'est comme des stations. Puis les assos se promènent de station en station. Puis ils ont des activités à faire. Okay. Donc, d'un univers à l'autre, comme avec la thématique de Charlie qui se promène d'un endroit à l'autre. Et le départ va se faire au 10-12. Exactement, oui. Ça, c'est à quelle heure? À 10h? Donc oui, absolument à 10h. Et ensuite, pousse ton bolide de course dont on parlait tout à l'heure. C'est à 12h30. Donc, de 12h30 à... Premier mot, sonne comme. Oui, c'est ça. Donc, c'est midi. Oui, c'est ça. C'est parce que j'ai comme une petite oreillette dans l'écouteur, puis il y a Gab qui parle dedans. Là. Donc, voilà. Et ça va être jusqu'à 13h30, si on me confirme qu'on me pince pas une cuisse pour me dire que c'est pas ça. Et ça, c'est où? Excellent. Donc, ça va être en fait au CAPS. Vous savez, au CAPS, endroit où on s'entraîne. L'endroit le pavillon Léopold Gagnon. Là. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, l'endroit où on peut s'entraîner si on est des gens qui s'entraînent. Moi, je passe par là des fois. Là. On passe devant, c'est beau. Et ça va être sur la petite courbe. Vous savez, le CAPS a des courbes. C'est sur la petite pente descendante du CAPS. C'est où ce qu'il y avait eu le défi S3 l'année passée? Exactement. Ouais. Okay. Hey, en parlant du défi S3, ben, on va voir ça aussi. C'est l'activité qui suit pour ton bolide de course. Ça a lieu de 14h30 à 16h30. En même temps que l'activité de volleyball qui va être située à la même place. Donc cette année, on a comme... Le volleyball est à la même place? Dans la côte? Non, dans pas... la côte, exactement. Dans la côte. On avec a le restaurant, des... on a tout mis ça. Avec un spike. On veut que les gens soient très agiles cette année. On veut qu'il y ait de gros mollets, qu'ils soient vraiment très rapides. Ça va être de toute beauté. Est-ce que vous êtes des skieurs? Est-ce que vous êtes des planchistes? Oui. Oui? Oui. Eh bien, j'espère qu'on va vous voir quand même à côté de la côte, parce que ça risque d'être... Ben, ouais, peut-être un fantôme. On n'a pas le droit de participer, nous. Ouais, non, je sais. Je sais, mais venez participer, venez jeter un coup d'œil, venez encourager, parce que d'après moi, il y a bien des gens motivés. Je voyais les gens avec leur ski ce matin. Oui, c'est vrai, ils fartaient leur ski. C'était pour visser après leur bolide. Exact. C'est mon verbe préféré, farter, d'ailleurs. Farter, exactement. Est-ce que ça farte? Ça farte... Et voilà. Non, mais moi, je serai pas là, par contre, parce que ben, je vais être là, mais je farterai rien. Parce que la dernière fois que j'ai fait du ski, c'était du ski de fond. Et je me suis planté 14 fois en ski de fond. C'était, je voyais le ciel. Il n'y avait même pas de côte. C'était dégueulasse. C'est de là que les gens t'appellent Zwiski des fois. Zwiski. C'est Zwiki. C'est la Bolski. Ensuite de ça, ben, qu'est-ce qu'on a, Gab? On a la fin de la liste. La fin de la liste, c'est qui va arriver. Ça va arriver à 16h30, 17h, j'ai un blanc. C'est l'espèce de rallye 24h, ça? Exactement, ouais. Qui a commencé hier. On a donné la liste à 15h hier. Ça finit à 16h30 aujourd'hui. Donc, tout le monde se rejoint dans le hall Albert-Tessier. Il va y avoir une table pour chaque association. Il y a des juges qui sont là, dans le fond, et qui passent à chaque table avec la liste qui a été donnée hier. Et puis, ils cochent les objets qui ont été trouvés. Et puis, il y a comme trois catégories de pointage un peu différents. Tout dépend des objets trouvés. Yes. Il y en a des assez inusités, comme je vous disais hier. J'ai vraiment hâte de voir s'il y a des gens qui ont apporté des stérilets. Bref, c'était dans la liste. Des stérilets. De préférence, non usagés. Ah, oui. Non, mais il y avait plein d'objets inusités comme ça dans la liste. Ça va être de toute beauté. Et ensuite, le snack bar chez Charlie. Ben là, vous connaissez. Ça, c'est le genre d'activité qui vient me toucher aussi. Surtout que je suis un juge cette année. Et ça, c'est à quelle heure? Donc, le snack bar chez Charlie, ça va être à 17h. Donc, de 17h à 19h au 10-12. Au 10-12? Vous allez pouvoir vous repérer à l'odeur parce que chaque année, ça sent toujours le bonheur. Ouais. Ça vous fait friser les poils de narine. Mais en fait, les personnes ne cuisinent pas là. Non. Ils doivent arriver avec leur plat déjà prêt. Chaud? Chaud. Si c'est pas chaud, il faut que ça rentre, soit chaud quand les juges vont passer. Ah ouais. Puis nous autres, on est vraiment très sélectifs. Comme dans l'armée. On a, oui, exactement. Tu vas le refaire. Tu vas me refaire ça. Attends, fais-moi 20 aigros. En fait, c'est ça. Puis je lance un 25 sous sur le gâteau. S'il rebondit pas, il faut qu'il refasse le gâteau. Ah ouais. C'est exactement comme dans l'armée. Ça va être de toute beauté. Ensuite, le happening des pâtes. Ouais. Oh, c'est à soir, ça. L'happening des pâtes qui est revenu cette année. L'an dernier, ça n'avait pas lieu. Cette année, ça revient. Donc, les Patriotes de l'UQTR vont jouer contre Concordia ce soir au Colisée à 19h. Puis, pour une des seules fois, il y a de l'ambiance là, pour aller voir les Patriotes. Il y a de l'ambiance. Là. Pourquoi? Parce qu'en plus, cette année, il y a un concours de mascotte. Excuse-moi. Donc, merci. Ben, Gabriel, vas-y, t'as la parole est à toi. Qu'est-ce que tu dis, donc, mascotte? Il y a un concours de mascotte cette année. Chaque assaut doit présenter une mascotte à l'effigie de son association ainsi qu'un peu des Patriotes. Donc, ils vont tous mixer ça ensemble. Entre les périodes, il y a de l'animation aussi, faite par le comité de programmation et les Patriotes. Et c'est ça, il y a des départs en autobus qui vont se faire à partir du CAPS. Et puis, qui font l'aller-retour. Ils font comme des bus navettes pour aller porter le monde et les ramener. Et ce qui est bien, c'est que tous les gens qui sont inscrits au carnaval, donc il n'y a pas de frais pour la navette. Oui, c'est gratuit, oui. C'est important d'avoir ta carte étudiante pour pas payer. Rendre au Colisée parce que... Ben même si t'es pas inscrit, j'imagine, au carnaval, tu peux prendre l'autobus? Ouais, tu peux aller au Colisée en autobus. Dans le fond, non. Tu peux pas prendre l'autobus. Non, non, tu peux te rendre notamment au Colisée, mais l'autobus, c'est réservé aux participants. Tu peux faire du pouce, en fait. Tu peux faire du en espérant que l'autobus s'arrête. Tu peux embarquer sur l'autobus. Exactement. Si tu peux t'exercer en orignal, faire semblant de te faire happer. Puis si t'es chanceux, ben le chauffeur va peut-être t'embarquer quand tu vas... Mais sinon, écoute, tu te déguises en mascotte, puis personne va te demander rien. Ni mini-conique. Ça, c'est un très bon plan, par contre. Aussi. Tu viens de trouver une faille au carnaval, merci de la souligner. Mon espèce. On met ça dans le post-mortem l'année prochaine. Simultanément aussi, à 20h, il va y avoir une vente de hot dogs. Ça, c'est important. signifié. C'est ton bout. Tout simplement. Moi, j'ai que parlé, comme dans mon ancienne émission de radio, on parle que de bouffe, de papier. Ça fait longtemps, ça. Là, deux mois. Ça fait des oui, c'est ça, je m'ennuie. Ça. Et bref, donc, à 20h, de 20h à toute la soirée, en fait, il va y avoir des hot dogs et des pogos. Et c'est bon. Mais ça, c'est ici, là. C'est pas au Colisée. Non, c'est ça, ça va se passer ici. Ouais. Donc, il y a des barbecues, des pogos, des hot dogs. Exactement. Tout de suite après, qu'est-ce qui se passe? Retour de tout le monde au 10-12. Yeah. Et puis, tournoi de beer pong, dans le fond, deuxième édition. On l'a commencé l'an dernier, ça a été quand même un grand succès. Ouais, ça a bien fonctionné. Donc, on roule assez stable. Puis, les assos sont pigés au hasard. Il y a une table. Ça, c'est au 10-12? Ouais, exactement. 10-12 à compter de 20h, ça soit. 20h. Non, Gab, non. 22h. 22h, ouais. Sûrement quasiment 22h30, tout dépendant de la game d'hockey aussi, là, c'est une prolongation ou non, dépendant de l'heure. On va s'ajuster en conséquence, mais au maximum 10h30, ça devrait commencer si jamais il y a des inconvénients. En fait, et ça se termine vers quoi, peut-être? Je vous dirais de mettre 2 heures quand même, là, parce que des fois, ça peut être très long, une game de beer pong. Ensuite, en même temps que ça, il va y avoir les Patriotes qui reviennent, donc animation un peu des Patriotes durant la soirée de temps en temps. On a un DJ ce soir qui vient directement de Montréal, c'est un de mes amis à moi, donc DJ Axel Klein qui va être là ce soir. Et... DJ quoi, Axel? Klein. OK. Et ensuite... à minuit ce soir et le début du rallye nocturne. Donc, de minuit ce soir jusqu'à 7h demain matin, rallye nocturne pour les associations étudiantes. Ça part du poste de garde à compter de minuit. C'est pas une longue journée, je pense, c'est pour ça. Hein? Quand on vous dit que c'est long, c'est long. C'est une longue journée, mais. Vous dormez pas, là. Faites-le en grand nombre parce que c'est tellement agréable, cette activité-là. On va vous faire voyager un peu partout dans le monde. Non, mais c'est ça. Ben, non, mais je pense, l'année dernière, en fait, il y a des gens qui avaient été à Québec. Ouais. Chaque année, il y a des places où ce que le monde se rend qui sont un peu Ça va être inusité. Je me disais inhabituel, inhabituel. Oui, c'est vrai que Shawinigan, c'est inusité. On ne sait pas si ça va être là. Saint-Eustache, quand sait-on? Et alors voilà, écoutez, vous allez triper, je vous garantis que ça va être une nuit magnifique. Ça, c'est de minuit à 7h? Exactement. Le conducteur désigné. Désigné à l'aller et au retour. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, quand vous allez vous présenter, il faut absolument que la personne qui conduit soit absolument sobre, zéro alcool. Goutte d'alcool, parce qu'il va avoir des tests, des ballots. Ça va durer ici. Et donc, vous devrez absolument être sobre. À la sortie et au retour. Exactement. Sinon, puis, de préférence, amenez votre carte étudiante aussi pour pouvoir, avec le poste de garde et tout, là, pas qu'il y ait des complications. À moins que vous soyez déguisé en mascotte, comme on l'a dit plus tôt, c'est la seule façon de faire hey, ça. Non, OK. C'est juste au Colisée. Tu fais taper ses doigts, toi, là. Aïe, aïe, elle me pince les cuisses encore en dessous de la table. Ça dégénère. C'est même pas moi. Bon, ben moi, je mange mes fruits. Ah, ça a l'air bon. J'ai vraiment de toute beauté, mais c'est plate que Gab soit allergique. Elle est allergique à quoi? Elle est allergique aux petits fruits, Gab. Tous les petits fruits? Elle ne mange que du bacon et des pogos. Ça paraît pas, du tout. Lorsque j'ai mangé 2 pogos hier, j'étais à côté de la table, j'ai mangé. Vraiment brillante. Mais c'est ça, parce que quand Gab en mange, c'est vraiment drôle parce qu'elle zozote. Ah oui, pour elle a la langue qui devient vraiment très épaisse, à peu près comme un petit burger de A&W. Pour vrai? Et, oui, oui. Cool. Je veux voir ça. Ben écoutez, on va dire. Bon matin, bon monde, bon carnaval. Le bon elle a la langue pognée dans le piercing, c'est de toute beauté. Ah non, elle a le piercing pogné dans le micro. Avec le palais ptugan. Wow. Aïe, aïe, aïe. Hey, des moments qu'on aimerait tous vivre, mais bon. Non. Mais le truc, c'est de donner un ananas à Gab, donc... faites-lui lécher un ananas. Vous verrez sa réaction. Bon appétit. Pas ce matin. J'ai pas le temps aujourd'hui. J'ai pas le temps. Bon. Trop chargé. Ah, bon, en tout cas, je m'ennuie de Melon Miel sur Bruxelles, juste pour te dire, Alexandre. Mm. C'est comme ça, donc juste pour se quitter, est-ce qu'on chante un peu? Ah, est-ce qu'on chante Melon Miel et sur Bruxelles? Attention. OK. Melon Miel et sur Bruxelles. Ba-da-ba-da-ba-dum. Ensoleilleront ta journée. Ensoleiller ta journée! Melon, miel et choux de Bruxelles. Faut que je mange mes émotions. Ta-da-da-da-da. Moi, j'ai rien mangé. Ça a l'air bon. L'émotion monte en moi. Je pense qu'il va falloir que je me retire pour aller pleurer un petit peu. Okay. Merci beaucoup. Ouais, ça, c'était le commentaire pour Alexandre. Gabriel, toujours un plaisir de t'avoir ici. Ça fait plaisir à tous les matins. Merci. Il va rester un demain. Après ça, dernier déjà. Dormir. Participez à 110%, vous allez avoir un plaisir. Hey, qui mène à date? Est-ce qu'on peut savoir? Est-ce qu'on peut... C'est pas de tes affaires. Mais ça, vous allez pouvoir le savoir, les garçons, parce que vous allez pouvoir vous rendre sur la page du carnaval. Non. Et vous allez pouvoir suivre les derniers développements. Et pour ceux qui ont la difficulté à trouver la page du carnaval, présentez-vous sur la page Facebook du carnaval et vous allez avoir le lien. François, il l'a déjà, il est déjà dessus. C'est ça. Mais là, sur la page Facebook d'Assemblage Requis, comme ça, les gens vont pouvoir aller sur la page Facebook d'Assemblage Requis, chercher la page du carnaval, chercher le site web. C'est ce qu'on appelle la convergence. Et ça marche tellement bien. Synergy. Moi, je suis sûr que ça marche. Oui, monsieur. Je suis sûr que ça marche. Alors, vous allez voir, c'est très, très, très serré. La lutte en ce moment est très serrée. Toutes les équipes se défoncent en ce moment pour gagner. Comme dans une orgie culinaire. Oui, exactement. Se défonce. Mange un ananas, gars. Tout oui, bon appétit. Oui, oui. Ah oui! Je pense que ça marchera pas. Non, c'est ça. Non, je passe mon tour. Tout le temps. Pas le temps de trop occuper. Ouais, ouais. Des kiwis, des hommes, des ananas, des melons, des chou Bruxelles. Et une fille. Oui, madame. Oui, madame. Tout un kit. Tout un kit. Un kit complet. Est-ce qu'on arrête ici? Oui, je pense qu'on on devrait. Le tour du pot. Gabriel Degrasse et Alexandre Laramis, oui, du carnaval étudiant UQTR 2012. Merci beaucoup. Tantôt, on parlait du rallye tour de pompe, ton char de course de... Tour de pompe? Comment t'appelais ça? Est-ce qu'on parle pousse ton bolide de course. Pousse ton bolide de course. Ou d'un univers à l'autre. Oui, non, je parlais de pousse ton bolide de course. M'excuse. PTBC. Oui. PTBC. On va écouter Boîte à savon de Bravo Funkin, juste parce que ça fait ensemble. Je sais qu'on a déjà joué du Bravo Funkin aujourd'hui. Mais Boîte à savon, ça pousse ton bolide de course, hein? Ça fait. Qu'est-ce tout de suite. Tout de suite. C'est ça? Cet assemblage requis pour encore 10 minutes. Restez là. Le temps file et j'ai encore les mains dans l'huile. Auras-tu terminé à temps pour la grande course du printemps? Le tournoi des amants. Nous déballerons les chemins, avalerons les balles de poing. En sarcophage à notre image, enfant d'un hiver dans le garage. Il y aura des fleurs dans chaque virage. De bien gaufrer ta crinière pour faire une voile dans le cas où le vent viendrait par derrière. Nos yeux seront les plus lumières. Défions la mort sur la banquette de ma boîte à savon. Serre-moi très très fort quand nous franchirons l'amour du son. We'll be right back. OK, et le buzzard de cette ronde-ci d'intervention, c'est se faire des bulles dans un verre de liqueur. Donc, attention, Gabriel, fais des bulles dans ton verre de liqueur. C'est ma liqueur, non? Ouais, c'est même pas la sienne. Ah, oh, méchante fille. Oh, ça va dans le nez. Ah, ben c'est ça, c'est le bon Dieu qui te punit pour faire des bulles dans ma liqueur. C'est le karma, c'est le karma. Alexandre? La Rizuki, oui. Ben oui, ben oui, ben c'est ça. Ah, moi aussi, il faut que je chauffe dans ma... Alors, attention. C'est louche, ça fait un drôle de son. François, faut que tu imites ça parce que t'as pas de buzzer. Ouais, sinon je peux shaker ma bouteille d'eau. Shaker ta bouteille d'eau. Merveilleux, oh. Tout le monde est là. Donc toujours assemblage requis, c'est un petit 5 minutes à l'émission. Revenons sur la soirée d'hier au carnaval. Gabriel, grosse soirée, show de musique. Il y a aussi l'impro avant, donc on va recevoir l'impro. Dans le fond, cette année, on avait une belle formule. Comme j'avais expliqué hier, c'était pas comme Dieu marche comme l'an dernier. Dans le fond, c'était pas... des assos qui s'incluent dans des sketchs déjà faits. C'était vraiment un tournoi d'impro, donc on mélangeait les associations dans la bande d'impro dans 10-12, un peu comme une... Comme un vrai match d'impro, ouais, c'est ça. Ce qui a été intéressant... Ben, mes observations, ce qui a été intéressant, justement, c'est que là, les joueurs se sentaient peut-être un petit peu moins lancés dans la gueule du loup. Donc, il y a eu une belle complicité. Il y avait plusieurs joueurs de plusieurs assos qui jouaient en même temps et qui étaient parrainés par des joueurs de la lutte. Donc, ouais. Ça a donné vraiment... On a eu droit... à un match assez éclaté. Ce qui était le fun, c'est que le monde des assos était vraiment, vraiment bon. Ils se donnaient, puis ils ont vraiment eu l'imagination hier. Absolument, ont participé, le public ouais. était présent aussi. Ouais. La manière qu'on avait disposé les chaises, on aurait dû une arène gladiateur. Oui, c'est quelque chose comme ça. Genre. C'était pareil. Dionysos était dans la salle. Ah oui? Ouais. Il y avait une grosse barbe, puis il lançait des éclairs. Wow. Non, c'est Paco. C'est Paco. Il lançait des pogos, c'est ça, je me suis trompé. C'est qui ce Paco avec ses pogos? On le connaît pas. Paco avec ses. Ben, Paco, je te dis, bon, physiquement, on se ressemble un peu. Encore une fois, ta radio, personne ne sait de quoi t'as l'air, Alexandre. Alors, je suis un grand blond avec des abdominaux huilés et j'aime les balades en montagne. Attendez-moi à la porte en sortant, vous allez vous gâter, mesdames. Et après ça, on a été chanceux aussi. On a eu Atomic Baobab. Hey, non, mais ça, c'est vraiment bon pour vrai. Son première partie du spectacle de musique d'hier, ouais. C'était vraiment, vraiment bon. C'était vraiment, vraiment marqué. Puis après ça, on a mis ça en valeur. Ben oui. Complété la deuxième partie. Spectacle très attendu. Ah je oui, crois. Je pense que les gens ont été choyés, les gens ont embarqué. Ouais. À la fin, là, est-ce qu'on a eu du body surfing? Oui. On a eu du body surfing. J'aimerais ça essayer ça un jour, mais la sécurité m'empêche toujours de faire du body surfing. À cause que c'était trop huileux, ça glisse trop facilement. Ouais. Ça doit être ça, exactement. Voilà. C'est comme la couche du petit cochon graissé. Le gros Wiki qui fait du body surfing. Le but, c'est de ne pas m'échapper. On met les gens, je sais pas, moi, en éduc, en avant. Comme ça, ils sont tous musclés, puis ils réussissent. Ça serait faisable. Science infirmière, ça serait un petit peu plus compliqué, par contre, quand j'arriverai à cet assaut-là. Ça risquerait de faire pouf! Ou bang, tu sais, si je suis huilé, je risque de rebondir. Splat! Hey, ben, en parlant de rebondissement, ben, il va y en avoir plein aujourd'hui. Hey, demain aussi. Puis, demain aussi, absolument. Deux grosses journées qui nous attendent. Ça va être chaud. Ça va être de toute beauté. Ça va être comme les pogos. C'est chaud. Ouais, j'en reviens toujours. C'est souvent sur les pogos. Je sais, mais c'est parce qu'il y avait un spécial. Lâche la bouffe. J'ai faim, qu'est-ce que vous voulez? J'en reviens de la cafette, mais c'était tout petit. Là. C'est un petit amuse-papille. La salade de fruits, hein? Oui, ça doit être la salade de fruits. Non, ce qu'il dit pas, c'est qu'il a mangé un bagel et des patates déjeuner aussi. Oh, miam! Bon, c'est pas vrai. On me regardait même pas. Vrai, on n'était même pas assis à la même table. Elle dit n'importe quoi. Là, c'est la spéculation. On n'était même pas assis en face. Non, c'est ça. Même pas. Elle me donnait même pas des petits pieds en dessous de la table. Ça en passe d'affaires entre vous deux, vous autres, hein? Oh! On sait même pas d'où vous connaissez, mais en même temps, la relation... Non plus, on sait pas qu'on se connaît, mais on se connaît. On se connaît depuis toujours. Nos mères nous changeaient en couche. En même temps. Wow. On est passé. Voilà. C'était pas ça. On est tout beau. Elle faisait des petits plats sur sa banane. C'est à qui le beau Zwicky? Ouais. Elle têtait mon pouce. C'était vraiment de toute beauté. Ça a été des années magnifiques l'année passée. On a brûlé les photos, c'est triste. Non, c'est ça, malheureusement, ça a été retiré à des fins de sécurité publique. Voilà. Donc, blague à part, hier, c'était un magnifique spectacle. Et aujourd'hui et demain, on va vous en mettre plein les yeux, les oreilles. Un comité organisateur, je vais vous dire, cette année, assez éclaté. Là, beaucoup d'innovation, c'est cool. Tout le monde participe énormément. Oui, on est fatigué, là, mais ça vaut la peine, rendu après un show d'humour comme on a vu lundi, après un show comme on a vu hier, le monde qui embarquait et tout. On attend juste ce soir et demain avec impatience, je crois. Et vous allez être, avec nous demain? Plus de bonheur demain, je crois. Je sais pas, tu veux-tu qu'on vienne demain? 7h30? Tu vas-tu être encore en vie? Ça a l'air difficile, ça. 7h30. 8h-4. 8h-4, ouais. 8h-20, mettons. 8h-20. Aïe. Si t'es capable de rouler les poches qu'on a en dessous des yeux, on va peut-être. On s'arrange avec ça. Comme un tapis rouge. Rock. Comme un star. Comme la reine du tapis. Oui, c'est ça. Est-ce que vous saviez un petit truc comme ça avant de se quitter? Puis je me suis dit que ça serait une belle. Oui, parce qu'on a au moins 10% de pertinence dans l'intervention. Exactement, mais c'est vrai. On va mettre une petite coche au-dessus. Un truc de star, si vous avez des poches en dessous des yeux, c'est les mannequins qui font ça. Se mettre du préparation H en dessous des yeux. Donc, c'est la crème pour les hémorroïdes. Mais apparemment, c'est vraiment très, très efficace pour se retirer les poches. D'ailleurs, si Gabrielle est aussi resplendissante ce matin, c'est qu'elle a réussi à vider deux tubes et vraiment des beaux petits yeux. Des beaux petits yeux, on voit pas les poches. Bon. Donc voilà, je m'excuse, c'était mon intervention pertinente. C'était pertinent. Oui, tout à fait. Petite cuillère froide aussi, je pense. Cuillère au congélateur, celui-là. Pas trop froide, par exemple, parce qu'on peut rester collé. Hein? Puis il ne faut pas la lécher la langue non plus, parce que sinon, on peut rester collé aussi. Donc, demain, 8h-20. Demain, 8h-20. Moi, j'ai rien dit de ça. Moi, j'ai pas tapé dans aucune main. Tu seras pas là, toi? Ben, on sait pas. Sûrement. Je vais être là en pensée. Peut-être que je vais être là en présence aussi. C'est un très bon Il va être là en présence, promis. Ouais. Ah, bon. Parfait. Tu vas le forcer. Donne-y des patates, puis un petit peu de... Ben, remplacer ta crème par de la pâte à dents. Ça va être tout beau. Ouais. Je vais continuer à manger. Oui, continue et on va t'écouter. Mmh. Ah oui, sérieux. C'est bon. J'en ai échappé un sur mon chandail. Ah non, ça coule. Ah mon Dieu. C'est la fin de l'assemblage requis pour aujourd'hui. On se retrouve demain matin entre 7h et 9h avec une autre toute nouvelle émission. Et demain, on aura la présence de Simon Fitzbé, sa chronique Phénomène. On reçoit aussi François Landry qui nous parle de politique. Évidemment, on va parler du carnaval sans cesse, j'en suis certain. C'est demain à 7h. Restez sur nos ondes. Plus tard, à 10h, sera SPM de gars à l'émission sur les sports, la politique et les médias. Ensuite, il y aura le dîner de con avec Danny Janvier. En après-midi, si vous avez manqué Catalepsie ou encore La Spirale, ça rejoue. Et à 17h, ce sera Kim Bergeron en direct avec 6 degrés. Youpidou. En soirée, c'est Le Lobby à 19h avec de la musique électronique et à 21h du Trance avec PsyTR. Allez voir le cfou.ca pour la programmation complète et passez donc tant qu'à être sur Internet sur le World Wide Federation. Oh. Sur assemblagerockey.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. On se quitte avec une autre pièce qu'on s'en va entendre de Wilco, cette fois-ci. Down on Me. C'est bon, ça? Down on Me? Down on Me. Oui! Melon, miel, foot, Bruxelles. Bon. Passez une belle journée. Bonne journée. Merci François. Merci Mathieu. Merci Marie-Pierre Laforge-Bourret. Oui. Merci à tous les autres qui sont pas venus. C'est ça, Gabriel. Merci à vous. Ah merci oui. J'aimerais ça pouvoir le dire à chaque jour. De gracias. C'est comme toi dire merci. Bien. Moi j'aime ça. Ça fait sensuel. Sensuel. Avec la langue pleine de nanana. Sensuel. Ça sonne sensuel. Sensuel. T'es swell, Gabriel. On vous rappelle que Gabriel ramasse des dons pour corriger son problème de langue. Non, des dons pour le défi Leucan. Absolument. Fait ranger la langue et, pour ça. Et je veux juste terminer en disant que Leucan, c'est un organisme vraiment qui est en feu. Alors la balle est dans Leucan. Aïe, je pensais pas vivre ça matin. Wow. Bon, mais ça va faire. Hein? C'est non, assez. On la finira jamais cette émission. Non. Bonne journée. 6 heures. Merci, bonne journée. Hey! I've been young. I've been old. I've been hurt and consoled. Heart of coal, heart of gold, so I've told. I've been lost, I've been found, I've been taken by the sound of my own voice, voices in my head. We'll be right back.